Énergie, salut tout le monde. Bonjour, bienvenue, content de vous retrouver. Énergie, on est mercredi, ça y est, 4h. Avec la playlist Énergie, on sait tout et de préférer comme chaque matin. Et puis aussi le meilleur de Mickaël, le Rico Show, le meilleur de Koé et le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Là sur Énergie, c'est Cédric. Bon réveil tout le monde, j'espère que tout va bien ce matin. Une belle journée, bon, ça va bien se passer là normalement. Avec tous vos hits préférés, puis aussi avec le meilleur de Mickaël. C'est à 23h tous les soirs sur Énergie jusqu'à 3h. Et on a parlé, non pas parlé texto, mais on a parlé sexto sur Énergie, écoutez. On va se faire les appels bienveillants. La séquence préférée d'Amina. Allez hop, oui. C'est parti. Avec, une étude est arrivée. 61% des couples qui envoient au moins un sexto par jour se disent plus heureux sexuellement. Donc, est-ce que ça t'arrive, toi, Amina, d'écrire des messages cochons à ton mec, ton ex, son... Bref. Du coup, ça marche pas parce que c'est les gens en couple, l'étude, et comme je ne suis pas en couple... Mais c'est ce que je te dis, est-ce que ça t'arrive quand t'es en couple, quand t'as ton mec, d'envoyer des messages de cul? Mais c'est quoi des messages de cul pour dire quoi? Genre quand t'es malade et tout? Ouais, non, ça mais... des messages de cul, genre ah là je viens de voir un mec, ça m'a donné envie de ta bite, j'ai envie de la sucer, j'en sais rien moi. Mais c'est une blague ou quoi? Qui envoie ça? Bah il y a plein de gens qui s'envoient des sextos. Il y a plein de gens qui envoient ça. Non pas ça, j'en sais rien, c'est un exemple. Je te dis juste. J'ai envie de pécho, j'ai pensé à toi, c'est une blague. Mais non, mais je sais pas, c'est un exemple, peu importe. Bon, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire à ton mec ah j'ai envie de te sucer là comme ça par texto? Jamais de la vie, parce que déjà je ne fais pas ce genre de choses en fait. Arrête. Mais ça va pas. Tu sais, attends, tu te rends compte le nombre de bactéries qu'il y a sur une cuvette de chiottes? Alors imagine dans Oui, alors après, c'est pas tout à fait vrai ce que tu viens de dire. Ah bon, ouais, t'as fait des études de. Ouais, il y a plein d'études qui démontrent qu'il y a plus. Radio-études, bienvenue. Il y a plus de bactéries dans une bouche que sur une bite. Oui, d'accord, mais c'est peut-être pas une raison. Bon, en réalité, c'est dangereux pour la bite de recevoir la bouche. Voilà, en fait. Parfait. C'est dans ce sens-là le problème. Refusez, messieurs. Bon, du coup, tu vas l'appeler pour relancer la bonne nouvelle? Ah, bah, avec plaisir. Allez, hop, c'est parti. Grâce au numéro que vous envoyez chaque soir sur toph@energie.com. Si vous connaissez des gens qui s'énervent facilement, évidemment, on préfère. Hein, donc, envoyez cela. Et évidemment, c'est anonyme. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. C'est parti. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, je vous appelle parce qu'en fait, je voulais savoir, est-ce que vous envoyez parfois des SMS cochons à votre femme, monsieur? Non, pourquoi? Ah bah vous devriez, monsieur, hein, parce qu'il paraît que 61% des couples qui le font sont plus heureux sexuellement. Je vais vous dire une chose, allez vous faire enculer. Bah pourquoi vous me dites ça, monsieur? Ah, allô? Ouais, bah va te faire enculer. Hein, qu'est-ce que je sais pas compris, il avait l'air sympa. Bah oui, c'est vrai, bah on va le rappeler quand même. Hein. Et hop. Vous avez pas compris, je crois. Bah non, je comprends pas, monsieur, pourquoi vous dites ça? Ça a aucun rapport avec la question. Allez vous faire enculer. Mais non, monsieur, arrêtez de dire des choses comme ça, c'est très vulgaire, ça ne sert à rien. Ah bah oui, mais bah, il veut pas te parler. Ah, il a raison, je suis d'accord avec lui. Bah moi aussi, ouais, absolument, mais... Quoi encore? Bah non, mais je comprends pas, monsieur, pourquoi vous dites des choses comme ça? Enfin, c'est très vulgaire, ça se dit pas. Eh, monsieur, j'ai des méga mains qui dorment juste à côté, allez vous faire enculer. Bah oui, mais enfin, monsieur, allez vous faire enculer. Mais monsieur, ça sert à rien d'être vulgaire comme ça. Je porterai plainte demain matin. Mais vous allez porter plainte pour quoi, monsieur? Pour outrage. Outrage à quoi? Parce que vous emmerdez les gens, allez vous faire mais enculer. Mais pas du tout, monsieur, moi je vous appelle gentiment pour vous poser une question. Allô? Oh, outrage, voilà. C'est plus pour magistrat. C'est ça, outrage à magistrat. Bon, allez hop, on rappelle. Oui. Oui, monsieur, c'est pas la peine de vous énerver comme ça. Vous pouvez juste répondre à la question, après on se souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous. Non. Bah pourquoi? Non, c'est quoi cette connerie encore là? Bah c'est pas une connerie, monsieur, moi je vous appelle gentiment. C'est quoi cette connerie? Bah, vous êtes qui d'ailleurs? Toff, monsieur, moi je m'appelle Toff. Qui? Toff, mon nom c'est Toff. Ouais, bah vous savez quoi? Non. Hein? Allez vous faire foutre, j'ai votre numéro qui s'est affiché, allez vous faire enculer. Bah si vous voulez, monsieur, mais vous l'avez vraiment eu parce que. Allô? Allez hop, il est à nouveau raccroché, on rappelle. Oui, vous voyez vraiment mon numéro? Parce que en fait, maman, elle avait chipoté. Vous faire foutre. Oui, mais parce que maman l'avait chipoté dans la box et depuis le numéro il s'affichait plus. Alors si vous me dites qu'il se réaffiche, allez, c'est vraiment chouette. Foutre. Allez vous faire enculer. Oh non, monsieur, ne me dites pas ça. Allez vous faire foutre. Non, monsieur, c'est très violent, c'est très vulgaire, ça sert à rien de dire tout ça. Allô? Oh, bon bah tant pis, écoute, on a pas de nouvelles, on n'y arrivera pas. Hein. Oui, allô. C'est pas grave, dans moins d'une heure on en fera l'autre. Si vous avez des numéros de téléphone à envoyer, n'hésitez pas à partager bien sûr, hein. C'est anonyme, hein. Vous pouvez être tranquille. Vous pouvez envoyer ça sur toph@energie.com. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. California.

mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me. So I got one more run, and it's gonna be a sight to see. Had to have high, high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rum. Suavecito, bebé. Sur Énergie, c'est Cédric. J'espère que tout va bien ce matin. On est ensemble jusqu'à 6h, jusqu'au retour de Manu dans 6-9 sur Énergie. C'est pour bien vous réveiller et pour terminer la journée. Le taf après les cours, 17h, Coé sur Énergie. Voici le meilleur de l'émission. C'est Coé, c'est à 17h, c'est sur Énergie et en podcast sur énergie.fr. Ah, Allez, spécial cadeau de Noël. J'adore celui-là. Le premier champion du monde, c'est le Monopoly spécial tricheur. Vous ne rêvez pas. Comment on joue? En gros, c'est comme un Monopoly normal, sauf que vous avez des cartes de triche qui vous permettent de voler de l'argent à la banque sans que personne le voie, de les mettre dans un hôtel sur l'un de vos biens immobiliers en douce, ou de retirer un hôtel de la propriété de quelqu'un d'autre sans qu'il le voie, ou encore de piquer l'argent sans vous faire prendre. C'est énorme. J'aime ce jeu. Ils ont mis combien d'années à le sortir pour moi, ce truc? J'adore. Moi, le meilleur jeu du genre, c'est notre patron. C'est Jean-Paul, le patron d'Énergie. Pourquoi? Pourquoi? Ah bah, il a créé la bonne paye, édition tricheur. Il a jamais perdu en 30 ans. Oui, ouais, c'est normal. Deuxième champion du monde, Blanc Manger Coco. Vous connaissez ce jeu? Ouais, bah oui. Allez, l'explication en deux mots, Bordas. En gros, t'as des phrases et t'as des qu'il faut compléter par des trous, et c'est des mots horribles. Et il faut compléter. Plus c'est horrible, mieux c'est. Bon, je vais faire plus simple. Tu prends une carte et tu prends une autre carte, et si ça constitue une bonne composition, un bon mélange, c'est par exemple si vous avez la fin justifie et rien derrière, et l'autre carte derrière et le trafic d'organes, ça vous fait la fin justifie le trafic d'organes. Ouais. Hop, c'est rigolo, c'est marrant, ça fait une combinaison de phrases. Vous avez compris? Oui. Ouais. Voilà. Et ben ça, c'est ça cartonne. Voilà, c'est l'un des trucs qui va le plus marcher cet été, et l'édition de Noël. Ah, j'adore, moi. Il paraît que là, cette année, ils vont même rajouter une question. Alexandre Benalla porte une arme sur la tête d'une serveuse. La carte réponse sera oui, mais c'est un pistolet à eau. Si vous faites les deux, ça marche. Eh ben, vous prenez les gens pour des cons, mais ça marche. Ça passe. Champion du monde, toute catégorie du mauvais goût, Barbie enceinte, c'est immonde, je vous le dis tout de suite, ne regardez pas, c'est dégueulasse. Elle a le ventre ouvert à l'air libre et on voit le bébé dedans. En attendant, elle a fait un top régime parce qu'elle est enceinte, elle a le bébé dedans, mais elle est balayée, mais elle n'a pas bougé par contre. Pas un kilo, c'est rien ouf, du tout. Ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais. La même ligne. Vous avez vu, c'est tout fidèle, mais elle a la même ligne. Voilà, pourvu qu'il ne nous fasse pas Barbie Tourista. Pourvu. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer, mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh, ni d'éternel. Non, non, non, le temps a abjuré, sans peur du sel, le naturel. D'une note passée, cette lune, les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. La belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde, c'est Cédric. Je vous récupère là chaque matin au saut du lit, dès le réveil. On est mercredi aujourd'hui, on sait le meilleur de Mickaël. Mickaël, 23h, 3h chaque nuit sur Énergie. On a parlé de Karl Lagerfeld dans l'émission. Juste derrière, ce sera la playlist Énergie comme chaque matin. Bon réveil. Ah oui, putain, il fallait que je vous parle d'un truc aussi. Il y a le couturier allemand, la Karl Lagerfeld. Je recommence. Karl Lagerfeld. Et non pas Toff Lagerfeld, évidemment. Hein, qui n'est plus monté dans un vol commercial depuis 20 ans. Il n'aime pas les gens et il l'a déclaré. Mais vous savez, le problème avec les jets privés, même si le vôtre est grand, c'est que s'il y a trop de gens, plus de 3 ou 4 personnes, c'est un cauchemar. Oh là voilà. Donc, ah ouais. Le mec, a quand même de gros problèmes. Hein. Le mec, il est loin. Ah ouais. T'imagines un vol commercial où il y a quand même entre, bon, ça dépend de l'avion, entre 100 et 800 personnes. Lui, bah, plus de 4, ça l'emmerde. Alors, la question, c'est est-ce qu'il compte les deux pilotes dans les 4? Mais c'est quand même grave. Et son chien, il a son chien là. Oui, mais il a dit de 3 ou 4 personnes. Donc ouais, le chien, j'imagine qu'il n'est pas compté dedans. Ah non, le chien, lui, doit avoir une niche particulière privée avec un bar. Avec une petite ceinture dans sa niche. Bah, évidemment. Imagine, toi, t'es là, des fois, tu galères, t'es au milieu là. Ouais, dans la rangée du milieu, c'est la pire. Des fois, je soupçonnais Mickaël parce que des fois, quand il me prenait les billets. Non, je suis son agent de voyage personnel. Tu te retrouves au milieu de gens que dès qu'ils arrivent, tu dis putain, c'est pour moi. Et là, t'es vénère pendant tout le vol. Et lui, voilà. T'as le même mec dans l'avion qui est en train de marcher, qui voit la gueule de Polo, qui dit putain, c'est pour moi. Et finalement, il se retrouve. Hein. Tout est prévu comme ça, c'est génial. Moi, j'ai eu un scandale comme ça. Une fois, il y a une meuf qui arrive de loin comme ça. Et elle me regarde comme ça. Et là, elle a un demi-sourire et elle est vénère. Et là, tu vois, genre, elle dit, tu vois dans sa gueule, je la regarde, je dis tiens. Elle marche d'un pas décidé et elle se dit, je vais lui mettre dans sa gueule à ce connard. Et elle arrive vers moi, elle fait, c'est ma place. Et elle gueule comme ça. Je dis, bah non, en fait, le numéro. Si, c'est le numéro. Je dis, écoutez, c'est pas votre. Elle commence à faire un scandale, tout le monde me regarde, bien entendu, je suis responsable du conflit. Bah évidemment. C'est normal. Et là, je lui dis, non, en fait. Et là, je lui montre mon billet, elle fait, pardon, je me suis trompé. Parce que tout ça était un complot, elle bah, évidemment. S'est trompée, c'était juste pour te faire chier. Quoi. Mais évidemment, tout était prévu depuis le début de l'avion. Là, à l'entrée de l'avion, l'hôtesse a dit, regardez le numéro, celui qui est assis en 36B, là, allez le faire chier. Et avant de, quand tu rentres dans un. Quand tu vérifies, elle n'a pas vérifié, elle avait décidé que c'était sa place. Mais parfois. Mais non, bah jamais. Là, c'est un coup monté, c'est un complot. Mais bon. Juste, parenthèse, c'est marrant que je parle de ça parce que cette nuit, avant de dormir, j'ai regardé un reportage sur Pierre Cardin. Cette nuit. Ouais. Sur Pierre Cardin. Et bon, évidemment, le mec brasse des millions, voire des milliards. Et il a quand même des magasins jusqu'en Russie, hein, je ne savais même pas. Hein. Bon, ah oui, bien sûr. Ah oui, ouais, c'est clair. Et dans la même journée, il vend encore 2 franchises. Il en a 900 dans le monde. Hein. 2 franchises. Il rachète encore 3 magasins. Il fait un défilé dans une des plus belles galeries de Florence en Italie. Et tu le vois, il dit ouais, moi je m'en fous, je rentre en économique. Il est avec son neveu, en éco. Il dit j'en ai rien à foutre, je prends pas la business. Moi je suis bien comme ça. Bah, écoute, le mec est genre hyper simple. Mais il y a le mec d'IKEA aussi, il est comme ça, il paraît. Ah ouais? Ouais, il paraît. Il est mort, non? Oui, bah, il était. Il est mort, ouais, il est aussi humble. Ouais, il avait une voiture pourrie et il prenait la Après, c'est con, parce que quand t'es blindé, je veux dire, à un moment, utilise ton pognon, tu vas pas mourir avec, regarde, il est mort.

make sure you made tits so you let me in. Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Sur Énergie, salut tout le monde, c'est Cédric, on est mercredi aujourd'hui, j'espère que tout va bien, vous êtes bien dormi, direction les cours, direction boulot avec vos hits préférés, tout ça dès ce matin. Horoscope de moins de 10 minutes avant de le retrouver en direct dès 6h tout à l'heure. Voici le meilleur de Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Joyeux Noël. Parlons amour et travail. Ah oui. Ah cool. Vous êtes peut-être en arrivée au boulot, vous êtes peut-être déjà au boulot. J'ai trouvé plein de chiffres sur l'amour et le travail. Mm-hmm. 36% des employés, un employé sur 3, a déjà fréquenté un collègue. Ah ouais. C'est beaucoup quand même. Ouais, c'est pas mal. Pourtant, on dit que c'est pas terrible dans le boulot de mélanger le boulot, le sexe, tout ça, ça crée plein de problèmes. Faut tester. Allez. 22% des gens disent qu'ils ont fréquenté leur boss. Oh. Encore pire. Oh le check. Faut tester. 31% des gens qui admettent avoir eu une relation amoureuse au travail ont fini par se marier avec le ou la collègue. Ah ouais, c'est beau. Comme quoi ? C'est dire que une relation sur trois au travail, bah en fait, c'est pas si mal que ça, ouais, quoi. C'est cool. Ça amène au mariage. Ouais, mais ça fait beaucoup le mariage, le boulot, se voir tous les jours et tout, c'est pas facile quand même, hein. Mm. Ouais, t'inquiète pas, on est pas là tout de suite. Hein. C'est mignon, tu t'es emballé. Hein. Non. 6% des personnes interrogées déclarent avoir quitté leur emploi à cause d'une relation amoureuse au bureau qui s'est mal terminée. Et oui, parce qu'il y en a une sur trois qui arrive en mariage, mais ça veut dire qu'il y en a deux sur trois qui arrivent en gros problème. Et surtout, justement, c'était avec le boss, quoi. Ils ont mieux partir. Mais c'est le pire. Ah bah oui. Non, mais si tu sors avec ton boss ou ta boss, faut rester avec. Hein. Pas le choix. Non, faut sortir avec quelqu'un qui est au même grade que nous. Comme ça, il n'y a pas de problème. C'est un jeu de hasard, quoi. Tu joues, tu gagnes ou tu joues, tu perds, quoi. C'est pour Glandu, tout est un jeu. Ouais. Ça va être très sympa. Non, mais si tu sors avec une nana au bureau. Vraiment, alors dis-lui. Hein. Je te préviens, nous, c'est tu joues, tu gagnes, tu joues, tu perds. Hein. Un petit dernier chiffre sur l'amour et le travail. 24% des personnes qui ont fréquenté un collègue admettent qu'il s'agissait d'une aventure extra-conjugale. Oh là là, non. Ah, ça c'est moche. Ça, on veut pas savoir. Au moins un des deux était en couple. Pas bien. Le fameux séminaire, quoi. J'aime pas ça, les séminaires. Tout ça parce que t'es pas choisi. Non, c'est pas pour ça, Manu. Oh, mais non. Dis pardon. Dès 6h. C'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. Il est midi sur novembre.

nous avons décidé, nous aussi, d'ouvrir une hotline qui ne vous aidera pas. Ouais. Parce qu'on ne pourra rien faire pour votre problème. Oui. Vous avez un souci, vous avez un problème, on ne pourra rien y faire. 0870 42 48 dans le studio, vous avez un problème, je peux rien y faire. Ouais. C'est le moment aussi. Ouais. Attention, c'est parti. Nous ouvrons la hotline qui ne sert à rien. C'est parti. Aurélie, bonjour. Salut Manu, moi je trébuche souvent. Ah, eh ben, arrête de marcher. Ouais. C'est l'outline qui ne sert à rien, Nico. J'aime pas le rire de ma femme. Moi, wow. J'aime pas trop, quoi. Elle rigole fort et elle fait un peu le cochon parfois. Aïe, aïe, aïe. Je t'arrête. Ça devient gênant. Corentin, bonjour. J'ai plus de pression sous ma douche. Ah, et eh ben, te lève pas, ça ferait une bonne excuse. Vous avez un problème, on ne peut rien y faire. C'est de l'outline qui ne sert à rien. 0870 42 48 ou sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 69. Elisa nous dit mon horoscope du jour n'est pas bon. Vraiment là, je peux rien faire, je peux pas aller toucher les planètes. Glandu. Mon adversaire au squash est nul, mais je connais personne d'autre qui joue au squash. Alors, c'est drôle, t'as piqué le problème de ton partenaire en fait. Ah, là. C'est drôle ça. Ça non plus, ça sert à rien. Alors Isabelle, tu l'as jamais vu jouer au squash, Glandu? Non. Ouais, voilà. Mais arrête. Alors je veux dire, le voir, ça ne sert à rien non plus. Mais non, mais dis la vérité. Attends, je suis venu te voir une fois au squash, je suis arrivé, véridique, il était par terre. Mais t'as tapé sur la vitre. Tu as tapé sur la vitre, j'ai très vite tu sais tapé. Tu sais quoi? Je pourrais retrouver la vidéo. Vas-y, enchaînons. Ouais. Vas-y. La hotline qui sert à rien, on continue. Vanessa, bonjour. Mes chats ont fait tomber le sapin. Tes chats ont fait tomber le sapin? Eh ben, je vous le dis qu'il faut pas avoir de chat. Ouais. C'est pas possible, ça. Ouais. Ahmed sur Twitter nous dit ma belle-mère ne m'aime pas. Eh oui, c'est le concept. C'est le principe des belles-mères. Paulette. Mon téléphone est plein et du coup je peux plus prendre de photos. Tu me fatigues. Mélissande, bonjour. Je suis enrhumée. Eh ben va pas bosser. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Nico? J'ai le petit bonhomme en mousse dans la tête. Eh ben ne le donne pas à personne, chante pas. Non. Romain sur Twitter nous dit je suis nul au jeu FIFA. Ah, t'as vu, Glandu? Quand tu veux. Christophe, bonjour. J'ai envie de sushi. Ok, mais toi tu me fais peur. On enchaîne, c'est la hotline qui ne sert à rien. Vous avez un problème, on ne peut pas le résoudre. C'est maintenant, Isabelle. Faut que j'achète du riz. Ah, mange des pommes de terre, comme tout le monde. Kelly, bonjour. Je suis daltonienne. Alors ça, c'est un vrai problème. Ah ouais, mais ouais. Alors vraiment, pour le coup, je n'y peux à rien. C'est quoi? Mets un gilet jaune. Voilà. Paulette. J'ai dit oui à deux dîners ce soir. Ah. Bah tu vas te démerder. Hein. Ouais. Okay. Alors, vraiment, Laurine, bonjour. Le pare-brise de ma voiture était gelé ce matin. Ah, mais ça s'appelle, ça s'appelle l'hiver, Laurine. Je ne peux rien y faire. Je ne peux pas venir laver ton pare-brise. Vous avez un problème, on ne peut pas le résoudre. C'est l'hôtel qui ne sert à rien. Vincent sur Twitter nous dit j'ai encore de l'acné à 25 ans. Oh. Je ne peux rien y faire, surtout je ne veux rien y faire. Glandu. Moi, j'étais persuadé d'avoir 10 euros dans mon portefeuille et là, ils y sont plus. Ah bon? Ouais. C'est pas cool. Dorian, bonjour. Moi j'ai mon fréquent qui pue. Ah, ça c'est bien connu, mais c'est on met du fromage, on met pas sous cloche et ça pue dans le frigo. On te souhaite une bonne journée de merde, Dorian. C'est l'automne qui sert à rien, Isabelle. Ma fille n'a pas débarrassé son assiette hier soir. Oh, moi non plus, j'ai pas débarrassé chez moi, je le ferai tranquillement demain. Dès 6h. Dès 6h. C'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. On a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Diago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Diago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans, tu verras,

sur les réseaux. Tu m'as bloqué, mais tu penses que j'ai une autre à mes côtés. Toi tu t'es fait une raison sur un coup de tête. Et ça me tourne autour à croire que je suis coté. Mais je les envoie balader. Elles n'ont pas ton sourire, je leur ai dit sorry. Et depuis que je suis parti, ton cœur est balafré. Je passe mon temps à sortir, tu le vois dans mes stories. On n'a plus rien à se dire, dis-moi où j'ai fauté. Et je vois que tu fais ta vie, que dans la nuit tu brilles. Mais je te connais par cœur, tout ça c'est pas toi. Et je vois qu'on te courtise, dis-leur de rester tranquille. Non, on n'est plus ensemble, mais t'es quand même à moi. Mais toi tu crois que je suis ailleurs, que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs, que t'es dans ses bras. On s'est manqué. De mentir quand je te souhaite le meilleur, sans dire un mot, c'est tourner le dos comme deux inconnus quand on se croise en bendo. Tout est snapisé, je suis pas parano, tu me surveilles sans cesse, mais surveille tes poteaux. Tant pis, on s'oubliera, le temps nous dira si on a bien fait. Et si je te mens parfois, si je fais semblant, c'est que j'ai ma fierté. Mais toi, tu crois que je suis ailleurs, que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi, je crois que t'es ailleurs. Que t'es dans ses bras. On s'est manqué. Qu'est-ce qu'on fait, on s'évite, on s'oublie, on se voit, on se confie, on se cache. Qu'est-ce qu'on fait, on s'appelle pour de bon, on se dit au revoir. On s'est manqué. Sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil, c'est mercredi, ouais c'est cool, les vacances de retour vendredi soir. En attendant, bah pour vous c'est la playlist Énergie, tous vos hits préférés à écouter dès ce matin. C'est aussi le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie, il va doubler votre salaire tout à l'heure à 7h05 et 8h05. Inscrivez-vous, énergie.fr, ça peut être votre tour hein, ce matin, c'est ce que je vous souhaite. En attendant, voici ce qui s'est passé hier matin sur Énergie, bon réveil. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu et tous ses ouin-ouin dans le 6-9 du matin. Soyez Noël. On se fait du bien parce qu'on dit des choses dont on a honte, qu'on n'a pas envie de dire, mais on va les dire quand même. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez, mais vous avez honte de le dire. Ouais. Voilà, vous le dites à personne. Ça peut être une playlist un peu gênante dans votre téléphone. Ça peut être quelque chose que vous aimez bien manger. Ça peut être ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous aimez, vous avez honte de le dire. Il y a Alban sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9 qui dit: j'ai honte de dire que j'aime manger de temps en temps les gâteaux de mon chien. Ah oui, effectivement. Ah ouais. C'est spécial. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Bah moi, j'ai déjà goûté les croquettes de ma chatte. Et franchement, c'est, ouais, ça n'a aucun intérêt. J'ai eu mal mais pour elle. À l'apéro, si tu te fais un bol de croquettes, effectivement. Vous voulez vraiment qu'on ait une discussion sur les croquettes de chien? Non, effectivement. Non, ouais, je vous vois très emballé là-dessus. Mais vraiment, ouais, ouais. Vraiment, on va pas se quitter là-dessus. Non. On continue alors. Qu'est-ce que vous aimez, mais vous avez honte de le dire, Nico? Ah, moi, j'ai honte de le dire, mais j'adore les bouillottes. Les bouillottes. Ouais, là c'est la saison, là c'est l'hiver, c'est les bouillottes. Dans ton lit? Ah j'adore, putain, c'est le bonheur dans le lit conjugal. Et donc ta femme aime les personnes vieilles? On aime tous les deux, hein, on se met entre nous et comme ça on la met, non, la met pas dedans, respecte ta femme s'il te plaît. Tu aimes la bouillotte mais dis pas qu'elle, elle aime aussi. Ouais. Anna, bonjour. Salut Manu, salut les bonbons. Ça va Anna? Ouais ça va. Qu'est-ce qui se passe? Je te sens perdue, choquée, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va, j'étais pas prête. T'étais pas prête? Non, mais c'est bon, je suis là. D'accord, alors... tu veux qu'on te rappelle dans un quart d'heure? Non, c'est bon. D'accord. Anna, qu'est-ce que tu aimes, mais t'as un peu honte de le dire? Alors, moi, j'ai un peu honte de le dire, mais j'aime bien l'odeur du crottin de cheval dans les fermes. Alors, Anna, je vais te dire un truc. Là, c'est moi qui n'étais pas prêt. Ah ouais. Mais c'est... t'aimes bien l'odeur de la ferme ou vraiment spécifiquement l'odeur du crottin de cheval? Je préfère celle du crottin de cheval, mais l'odeur de la ferme, j'aime bien aussi. D'accord. Ah, ouais. Ah oui. Ouais. Très très bien. Après, à ne pas mettre en parfum ambiant chez soi, quoi. Non, c'est compliqué. Alors, chez Anna, il n'y a pas de bougie, mais il y a deux poneys. Merci de nous avoir appelé, Anna. Belle journée à toi. Qu'est-ce que vous aimez, mais vous avez un peu honte de le dire, Paulette? J'ai honte de le dire, mais j'aime bien quand ma chatte, elle dort sous mon pyjama. Attends, sous ton pyjama? Oui, j'aime bien quand elle est dessous. Mais où, sous ton pyjama? Parce que là, j'ai très peur. Bah, elle se glisse sur mon ventre, en fait. Sous le pyjama. Ah non. Sous le ventre, quoi. D'accord, ça va. Ouais, mais... Ah non, j'ai eu un moment. J'ai eu une perle de sueur qui a collé de mon front, là. Ça te griffe pas, enfin, le chat, comme ça, là-dessous? Y a pas de... Ça va? Non, elle griffe jamais. Elle ronronne très fort. C'est un peu lourd. En deux minutes, on a quand même appris que tu avais un chat qui se glissait sous ton pyjama et que tu goûtais les croquettes aussi. Hein. Ouais. Ça va se transformer en chat, bientôt. On est d'accord. Hein. C'est très possible. Hein. Je pense que quelques jours, elle nous fait pipi sur le lit. Hein. Vanessa, bonjour. Salut Manu, salut l'équipe. Bienvenue sur Énergie, Vanessa. Qu'est-ce que tu aimes, mais t'as un peu honte de le dire? Alors, moi, j'ai honte de dire que, en fait, j'aime me confier à mes animaux quand j'ai un souci. Tu te confies à tes animaux quand tu as du souci? Ouais. Quand j'ai des soucis, j'aime me confier à mes animaux, je sais pas, ils vont pas me trouver la solution, mais j'ai besoin de leur dire. Mais alors, tu as quoi comme animal? J'ai un chien et un chat. Et tu leur parles, tu leur dis voilà, j'ai une galère au boulot en ce moment, et tu leur parles. C'est ça, complètement. Mais du coup, ils te répondent pas? Non, ils me répondent pas, mais dans leurs yeux, je vois qu'ils me comprennent quand même. C'est moins cher qu'une psychothérapie, hein. T'as autant de réponses. Hein. Mais attends, t'es encore moins cher, Vanessa. Hein. Parle à ton lave-linge. Hein. Non mais t'auras pas plus de réponses avec le chat qu'avec le lave-linge. Vanessa, on t'embrasse. Merci de nous avoir appelés. Bisous. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Énergie.

Bienvenue sur Énergie, il est 6h. C'est mercredi, c'est le 19 décembre. J'ai pas fait mes cadeaux de Noël. On est de retour pour démarrer la journée avec vous. On va s'écouter Bad Bunny et Drake. Il y aura aussi Aya Nakamura. Tout de suite, c'est les infos.